Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel se brisera, quand les astres choiront, que les mers se confondront, que les tombes seront renversées, chaque âme saura alors ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle a renvoyé à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a donc leurré au sujet de ton noble Seigneur? Qui t'a créé, t'a façonné et t'a donné des formes aussi proportionnées? Il t'a constitué dans la forme qu'il a voulu. Et pourtant, vous tenez la rétribution pour imposture. Tes gardiens sont là à vous surveiller, qui sont de nobles scripteurs, sachant bien ce que vous faites. Les vertueux auront droit au délice absolu. Les scélérats seront en enfer, ils y brûleront au jour de la rétribution, et ne pourront s'y dérober. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? Et puis, qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? C'est le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Et la décision, ce jour-là, reviendra entière à Allah.